Bonsoir, bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Galère. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou, un épisode spécial pour deux raisons. D'abord parce que c'est la rentrée 2016-2017 de Débattons d'Anguirou, et puis épisode spécial. Pourquoi, mon cher Brett, vous allez nous l'expliquer, émission concours. Tout à fait. Alors, on ne vous entend pas bien, mon cher Brett, mais... Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, parfaitement, parfaitement. Tout à fait, allez-y. Alors, on a un micro qui est défaillant pour commencer cette nouvelle saison, mais je vais peut-être passer la parole à notre ami Brett. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend faiblement, mais on vous entend. Là, vous m'entendez bien? Ça va mieux. Bon, on a une petite baffle de notre côté qui est défaillante. Je pense qu'on a trouvé le potard, et je crois même que je me souviens de la question. C'était qu'est-ce qui va se passer ce soir, c'est ça? Coach Luc, si vous parlez quand je parle. Ce soir, c'est une émission spéciale puisque c'est un radio-crochet que nous organisons. Alors, qu'est-ce qu'un radio-crochet? Je laisserai à quelqu'un d'autre le soin d'expliquer précisément ce que c'est. Mais en fait, ce soir, nous allons vous proposer un jeu en direct sur le plateau. Vous savez tous que Débattons d'Anguirou pendant l'été a grandement grandi. Je double le grand parce qu'on a grandement grandi et que du coup, on a besoin de main-d'œuvre pour chroniquer, pour venir travailler avec nous. Et du coup, ce soir, c'est un grand jeu concours à l'issue duquel nous aurons plein de nouveaux candidats. Plein de nouvelles chroniques potentielles, plein de forces, plein de bras, plein de voix. Je crois que c'est ça, le projet. Tout à fait, cher Brett. Alors, on va parler du dispositif en place déjà avant de présenter nos concurrents. Dundé, coach, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous passé de bonnes vacances, chers amis? Je dirais des vacances mitigées, mais des vacances tout de même. Studieuses pour vous, non? Très studieuses, effectivement. Coach? Alors, il y a un peu de friture, mais en fait, friture, nous ne sommes pas en direct de la Belgique. Voilà, je tiens à le préciser à nos auditeurs. Bonjour à tous. Et Magic, vous êtes au stade ce soir. Dans quel stade êtes-vous et pour quel match? Quel match allez-vous commenter à nos chers auditeurs? Eh bien, nous allons pour cette première émission de... Nous allons pour cette première émission de rentrée, nous allons à Burnley, petite ville d'Angleterre qui se trouve au centre de l'Angleterre, où nous allons suivre un magnifique Burnley-Watford en direct. Et évidemment, nous allons tester ça avec tous nos candidats ce soir. Alors, nos candidats, quels sont-ils? Mon cher Dundé, je vous laisse présenter. Je suis en direct du stade Francis Leblé. Ah, vous pardon, docteur, vous êtes là, docteur? Je suis en direct du stade Francis Leblé. Ah, très bien. Le stade Francis Leblé. Je ne sais pas, je croyais que l'émission était autour de la thématique de la deuxième division. Brest-Reims, on m'a envoyé en province pour ce faire. Merci docteur d'intervenir, parce qu'on ne pensait pas qu'on avait la liaison, vu que le son est très mauvais pour l'instant en studio, mais ça va être une belle contrainte pour toute cette soirée. Docteur, comment allez-vous? Très bien, et vous-même, mon cher Manuel? Oui, parfaitement bien, nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble pour cette nouvelle saison des Débattons d'Anguirou. En fait, écoutez, vous allez pouvoir nous parler de ce match de Ligue 2 avec grand plaisir. Simplement, nous sommes là, cher docteur, vous n'êtes pas censé l'ignorer, pourtant, pour le grand concours des Débattons d'Anguivoice, bien sûr. Ah, bien sûr, j'ai entendu parler de cette affaire lorsque j'étais envoyé en province voici 3 mois. Voilà, limogé en quelque sorte, l'ai-je cru. Mais je m'aperçois que, bien heureusement, nous me cherchons un remplaçant, peut-être, et je me ferai un grand plaisir de participer avec vous à son grand jury pour des bâtons d'Anguivoice. Vous l'adouberez, cher docteur. Pardon. Vous l'adouberez, disait. Alors, on va tout de suite présenter nos concurrents. Dundé, je vous laisse présenter le personnage féminin de notre soirée, qui n'est autre qu'Esther Salmona. Esther Salmona, que nous avons eu le plaisir de pratiquer au cours d'une de nos émissions précédentes, puisqu'Esther Salmona est paysagiste, artiste paysagiste peut-être. Écrivain aussi, alors j'allais dire à 16 heures perdues, mais c'est une pratique assidue chez vous. Donc Esther Salmona qui est avec nous ce soir, et on est très content de vous accueillir. Merci, bonsoir. Mathieu Veil, un artiste exceptionnel du ballon rond. Mathieu Veil n'a pas pu venir, c'est donc Raphaël Eindhoven qui est là. Raphaël Eindhoven. Je suis désolé, je l'excuse. Vraiment, je ne voudrais pas l'injure de vous appeler Mathieu Veil une deuxième fois. Donc Raphaël Eindhoven, artiste du ballon rond. mais artiste aussi. Philosophe du ballon. Philosophe du ballon. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Kaloun. Comme le cri les travées du stade de Arsenal, n'est-ce pas, Martin Kaloun. Comédien de son état. Absolument. Et lui aussi esthète de la petite balle. Absolument. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Tout à fait. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on aurait pu appeler cette émission Des bâtons d'Anguy Star. On aurait pu l'appeler Des bâtons d'Anguy Academy ou Des bâtons d'Anguy Pop. On a choisi la punchline de Coach Luc pour l'appeler Des bâtons d'Anguy Voice. Des bâtons d'Anguy Voice, mon cher Dundee, qui va se dérouler pardon, en 5 épreuves. 5 épreuves par candidat. La première étant de chanter le générique. Et qui va s'y coller en premier? C'est l'ami Martin, c'est l'ami Kaloun, que peut-être nous pourrions appeler ce soir MC Kaloun, pour le bien de l'émission. Tout alors on va demander en régie de relancer le générique, et nous allons juger notre premier candidat, Martin Kaloun, sur cette épreuve. On peut peut-être, malgré tout, rappeler rapidement le principe de l'émission. Donc les candidats ont un certain nombre d'épreuves à valider, on les découvrira au fur et à mesure de cette émission. Ils ont été tenus secrets jusqu'à présent. Bien sûr. Personne n'est au courant de ce qui va se passer. Évidemment. On peut contester ça, mais peut-être que c'est vous qui verrez. Donc, un certain nombre de contraintes, d'épreuves, et on commence effectivement par le chant. Alors oui, pour être un bon chroniqueur de Des bâtons d'Anguy Voice, il faut savoir interpréter son générique. Martin Kaloun, c'est à vous de débuter cette émission. On lance l'introduction. Demander à notre jury composé du dispositif ce soir de s'exprimer sur la prestation de Martin. Coach, qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, ça partait un peu timidement, mais petit à petit, je pense que voilà, le ventre s'est gonflé, le torse s'est embrasé et j'ai pris les chevaux ont été lâchés au fond de la gorge. On a une lecture quasi littéral en fait de ce texte-là, puisque moi j'ai retrouvé les accents indéliens. Si on peut parler comme ça, il faut savoir que c'est quand même un air qui a été repris d'Handel pour être adapté par un compositeur anglais. Mais du coup, on avait vraiment cet esprit baroque tardif, j'ai envie de dire, d'Handel. Donc bravo. Merci beaucoup, je suis très flatté. On va enchaîner par un deuxième candidat qui va non pas nous interpréter le générique, mais qui va se plier à cet exercice très difficile de la chronique. Alors il faut savoir que nous avons demandé à nos candidats de concocter, de composer une petite lettre de motivation, nous expliquant tout simplement leur désir d'intégrer le dispositif des bâtons d'Anguy Roux. Et c'est Esther Salmona qui va nous livrer sa chronique, donc sa première chronique des bâtons d'Anguy Roux. On souligne, je ne sais pas si vous l'avez fait en introduction, qu'Esther Salmona fait aussi partie du Poète Football Club. Je ne l'ai pas dit. Voilà, une grande équipe de poètes qui a été montée pendant la première saison, je crois, de Des bâtons d'Anguy Roux. Et Esther fait partie du 11 majeur de cette équipe. Elle était latérale gauche, si je ne m'abuse. Latérale droit, attaquant. Milieu. Là, c'est mordre un peu sur l'attaque en fait de la chronique. Donc, je pense que. Alors, on vous laisse attaquer. On vous écoute, Esther. Quant au but. Ok, ça marche. Cher des bâtons d'Anguirou, je m'adresse à toi en tant que DLD du PCF. Non, mais tu le sais. Défenseur latéral droit du Poète Football Club. Tu te souviens ? C'était le 12 novembre 2012, l'émission Littérature et Football sur Radio Galère. Bon, j'étais venu sur le terrain avec Rémi, JC et Lord de Quad. Bon. Mais ça a été une belle partie quand même. Le Racing Club de Lens contre le Stade Malherbe de Caen et dans l'équipe, Samuel Rochery, Fernand Fernandez, Jean-François Bory, Peter Hanke, Émile Chauveau, Laure Chaminas et Pierre Paolo Pasolini. Enfin, la fine fleur de la pelouse, quoi. Et de bien belles images me reviennent aussi de notre rhodophonie footballo-paysager fin 2014. Dans un véhicule où l'amitié côtoyait le sandwich au thon et les conversations et mots d'esprit de bon aloi étaient ponctuées par les visites de Fort Bostan marseillais, nous avons fendu la nuit, Manuel, Amor, Coach Luc, Dandé, Brad Sinclair et moi. Il y avait l'autoroute à côté du stade, la mer à côté du stade, Notre-Dame de la Garde à côté du stade aussi, et Marseille à côté du stade. Et tous les joueurs, tout terrain confondu, le satin des maillots, courir, les mains sur les genoux, calmer sa respiration, focaliser sur le ballon, avoir la conscience de la trame que forme son équipe et l'équipe adverse, et puis y aller, oublier le paysage, y aller. La bonne mère était là aussi, au-dessus du stade Di Giovanni, veillant sur les mollets et les chevilles, les muscles et les tendons, aux petits oignons, c'est tout, au niveau. Et je vois passer que tu recrutes des chroniqueurs. Alors là, mais je remets mon maillot, mes chaussettes et mes crampons, je pense à l'herbe qui scintille la nuit dans la lumière des projecteurs, et je m'avance. Oui, je m'avance en te disant que j'ai bien envie d'en faire des chroniques pour toi, que je tâterai volontiers encore du studio, que l'écriture pour la radio est vraiment excitante et que je serais heureuse de la réactiver sur le terrain. Défenseur latéral droit. Tu me fais confiance pour perturber l'attaque adverse ? J'ai plusieurs cordes à mon arc pour ça. Alors tu me fais la passe, dis. Tu me fais la passe ? Voilà, petite chronique. Sous forme de lettre de motivation. On vous applaudit, Esther, bravo. Moi, je sens poindre... sous cette chronique, beaucoup d'émotions, et c'est vrai que l'émotion d'intégrer le dispositif des bâtons d'Anguirou est réelle. Mon cher Dondé, vous l'avez vécu vous-même au bout de la deuxième saison, je crois. Ah oui, on parle d'un temps que... Bah, que les moins de 20 ans, bien sûr. Alors, je ne reviendrai pas sur le terme « tâter du studio ». Si, si, bah maintenant que la vanne est ouverte. Qui paraît lourde... Non. Plein de promesses. Le stade Di Giovanni, je ne me rappelais pas de ce nom-là, mais rien que pour ça, je trouve votre chronique magnifique. C'est bien ça, le stade Di Giovanni, oui. En dessous de Notre-Dame de la Garde. Oui. Bravo. Enfin, le sandwich au thon, on l'a partagé, c'était un moment fabuleux. Donc, une chronique tout à fait débattant d'Anguirou-esque. Si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Coach, vous êtes vous-même spécialiste des chroniques dans cette émission, plutôt des croquines. Voilà, non, je suis ravi d'un candidat qui affirme sa volonté de vouloir jouer aussi, d'assumer un rôle de piston. Voilà. Merci. Brett, un petit mot peut-être. Le latéral moderne aujourd'hui, c'est le piston de l'équipe. Pour ça. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Esther. Esther a peut-être ce fabuleux avantage d'avoir participé à plusieurs émissions, à plusieurs projets, mais la chronique était très très belle et très gratifiante pour nous, ce qui est très très agréable. Et non, j'ai trouvé ça très très beau, très très fin, sans volonté trop de plaire. C'est très beau. Bravo. Vous aimez ce poste de DLD ? Ça vous plaît le DLD ? Ça me déplaît pas. Ben, en fait, je suis. J'aime bien cette idée de ne pas être. Dans une pratique, en fait, et de la découvrir à travers le médium radiophonique. Donc, avec le paysage d'abord, ensuite la poésie d'abord, le paysage ensuite. Et de le découvrir, en fait, en lisant des choses et en comprenant. Il y a une question de tactique, en fait. Et l'idée que les postes peuvent évoluer, ça, j'aime beaucoup. L'idée que ce soit d'abord défensif, et ensuite on mélange qui est pas, par exemple, pour le défenseur de physique spécialement dédiée en fait à ce genre de poste. Voilà, j'aime bien l'idée d'avoir aussi la vision périphérique et de pouvoir. C'est. Et puis le. Ouais, ça fait un peu obscur quoi, le DLD du PCF. Pour moi, le PCF, c'est le Parti communiste français, tout simplement. Hein. Voilà. Entre autres. Alors, on va poursuivre cette émission avec la troisième épreuve, qui est l'épreuve de l'interview au docteur. Docteur, est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là, en direct du stade Francis Leblé. Vous avez entendu hein, les deux performances de nos premiers candidats. Ah, bah, c'était des performances absolument superbes. Le jeune Camoun m'a donné envie d'envahir la Pologne. Quant à Esther Salmona, bien, elle va reprendre très certainement le brassard de Patrice Evra au sein du dispositif, et ça fait toujours plaisir. Alors Martin Camoun, vous allez passer en régie pour la quatrième épreuve, puisque vous serez aux commentaires avec Magic. Et en attendant, docteur, vous allez subir les questions de Raphaël Eindhoven, notre troisième candidat. C'est l'épreuve de l'interview. Trois questions au docteur. Nous vous écoutons, mon cher Raphaël. Bonsoir, Doc, vous m'entendez ? Oui, bonsoir, Raphaël, enchanté de vous retrouver. Mais enchanté de même. Vous aviez bien envie de revenir, mon cher Raphaël. J'avais très envie de revenir, mais comme toujours, c'est compliqué. Vous savez, j'ai une vie chargée. Pour ce soir, pour cette épreuve, je vais faire une petite entorse à la règle. J'espère que personne ne m'en tiendra rigueur. J'aime les questions. Vous savez qu'en philosophie, on aime les questions. Plutôt que de vous en poser une après l'autre, je vais vous en poser deux à la fois. Et ce qui se passera, c'est qu'il va falloir que, sous cette pluie de questions, vous, face à ce choix multiple, vous puissiez défendre votre position. C'est un QCM, d'une certaine manière. Très bien. Alors, c'est très simple. On va commencer par la première. Histoire ou géographie ? Histoire. Alors, il va falloir que vous défendiez un peu votre position. Il va falloir argumenter, Doc. Ça va pas suffire. Exactement, je n'avais pas bien compris. Histoire, c'était donc une question, histoire et géographie. Histoire, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'histoire, c'est ce qui crée dans la perspective tout le football dans sa beauté, tous ces changements pour en arriver à cette immondice qu'est le football moderne. C'est ça qui est quand même extrêmement intéressant dans ce que nous pouvons voir tous les jours sur nos écrans, sur nos tablettes, sur nos téléphones intelligents. Et sans cet historique, nous ne comprendrions pas le football. La géographie, certes, le positionnement, est un art extrêmement intéressant, mais c'est son histoire qui nous marquera, je pense, et qui marquera peut-être sa fin, à la Fukuyama peut-être. Somme toute, vous préférez le souvenir à la stratégie, si j'ai bien compris. Possible, mon cher. Était-ce la deuxième question ? Non, la deuxième question, pour rebondir sur cette évolution du football moderne que vous haïssez tant, semble-t-il, football ou rugby ? Sachant que le rugby reste jusque-là quelque chose d'un peu à l'abri du football moderne et de toute cette médiatisation et des conséquences de celle-ci. Alors, il faut bien comprendre que le rugby est en train de rejoindre le football, non pas dans sa pratique, mais finalement dans sa médiatisation. Alors moi, j'aurais envie de vous répondre rugby à 7. Je ne sais pas si, comme moi, mon cher Raphaël, vous êtes à la retraite. Êtes-vous à la retraite, Raphaël ? Non, pas encore, jamais. Pas encore. Eh bien, figurez-vous que j'ai passé mon été dans mon canapé avec ce plaid sur les genoux à regarder les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques où une nouvelle discipline a fait son apparition, le rugby à 7. Et le rugby à 7 a bien montré le caractère aléatoire de ce ballon qui, effectivement, lui encore, peut nous faire sourire. Donc je dirais rugby à 7 et Fidji. Je vais vous poser une question plus personnelle et une question presque générationnelle aussi, mais personnelle en même temps. Enfin, un choix possible. Il faudra nous raconter l'histoire, évidemment, sinon je me chargerai de le faire. Pat Le Guen ou Pierre Le Rouge ? Eh bien, on dira Pat Le Guen. Pat Le Guen, en référence certainement à une certaine capacité à organiser les choses, voilà, lors de certains séjours, de vacances, de loisirs. Et écoutez, j'ai un peu vaguement l'impression que c'est un choix par défaut. Et que d'une certaine manière, vous avez, je ne sais pas, quelque chose à cacher, quelque chose d'intime qui vous a fait répondre Pat Le Guen plutôt que Pierre Lerouge. Mais je me trompe peut-être. Mais je me sens davantage concerné, effectivement. La perspective historique pourrait me dire Pierre Lerouge. Mais je pense que c'est plutôt Pat Le Guen qu'il faut répondre, mon cher. Très bien, nous verrons d'ici la fin de l'émission. Nous aurons peut-être d'autres réponses. Manuel, je m'arrête là, mais j'en ai d'autres. On peut aller vite. Alors, une dernière question, mon cher Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, on va choisir celle-là. Oléron ou Fort Calquier? Je réponds Galère. À bientôt, Raphaël. À bientôt, Doc. Eh bien, merci, mon cher Raphaël, docteur, puisque vous êtes toujours en ligne. Qu'avez-vous pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était une interview plutôt originale et plutôt rondement menée. Alors, effectivement, c'était une interview qui était assez rondement menée. L'intervieweur prenant tout de même peu de responsabilités, voilà, dans cet énoncé. Et quand il parle de QCM, je parlerai plutôt de QCD, question à choix duo, puisqu'il n'y avait que deux solutions. Coach, la dialectique quand même est un des sports favoris de la philosophie, donc c'est normal aussi qu'il n'y ait que deux choix. Oui, certains ont parlé de synthèse parfois pour essayer d'aller voir un petit peu plus loin, mais ce n'est peut-être pas le cas de ce cher Raphaël Enthoven. Dondé, un petit mot sur cette interview? Bah, moi j'ai trouvé que c'était un art de la que ce cher Raphaël maîtrisait la maïeutique et la mayonnaise de l'interview. Mais je trouve que à distance, ce cher docteur peut être aux prises avec les embruns de l'Atlantique avait des réponses très claires, très sincères et très pertinentes. En tout cas, cette interview a le mérite de faire parler le docteur, d'aller effectivement au bout des choses. Et on va tout de suite rejoindre Magic et Martin Camoun au stade pour suivre le match Burnley-Watford. Chers amis, vous avez 3 minutes pour nous faire vivre ce grand moment. C'est la deuxième épreuve de Martin Camoun. Oh là là, j'ai failli vous couper tout à l'heure. Mais si ce n'avait été une émission spéciale ce soir, je vous aurais arrêté il y a à moins de 5 minutes où le deuxième but de Burnley vient d'être inscrit par son défenseur central. Et donc ça fait donc 2-0 dans cette deuxième mi-temps pour Burnley qui joue à domicile et qui tente de se rattraper de ses derniers résultats plutôt négatifs. Donc nous jouons à exactement la 55e minute de jeu. À l'instant tout à l'heure, notre Français du match, Étienne Capoue, a failli se faire expulser suite à un tacle très violent sur un adversaire et pour l'instant le jeu est arrêté. Alors autant vous le dire, le stade est plein, ça joue à l'anglais, c'est formidable. C'est magnifique, une grosse domination de Burnley apparemment, là on prend le match en cours mais on ne voit que les joueurs de Burnley qui progressent sur le terrain et les joueurs de Watford ont l'air de bien bien galérer là pour entrer dans ce match. Un long dégagement du gardien de Watford directement dans les 20 mètres. C'est intercepté avec des coups de tête de partout. Ça revient dans la défense centrale de Watford qui va relancer. J'imagine voilà, que c'est fait à l'instant par son défenseur central. Des grands coups devant. Watford doit vite remarquer un but s'il veut conserver des chances de gagner. Marquer tout simplement, hein, oui d'ailleurs. Ils sont bien menés là, les joueurs de Watford. On a pu apercevoir Zuniga. Je ne sais pas si vous vous souvenez Zuniga de ce joueur pendant la Coupe du Monde, dernière Coupe du Monde. Hein, ce joueur colombien, si je ne m'abuse, qui avait blessé le pauvre Neymar et lui avait empêché de participer à la demi-finale. D'abord, tout à fait, très bien. C'est une danse aussi, non, la Zumbia? Zumbia, oui. C'est en train d'arriver, notamment dans le sud de la France, oui, exactement. Le ballon est sur la touche, c'est très arrêté pour l'instant parce qu'il y a beaucoup d'intensité et le ballon est tapé très fort de tous les côtés. Et ça joue, comme je vous le disais, à l'anglaise, ça joue très vite. On récupère le ballon et c'est encore... c'est Burnley qui récupère la balle. voilà, même très plaisant. On peut voir que même des équipes de bas de tableau du championnat anglais, ça joue toujours très vite. Beaucoup d'intensité, beaucoup de technique et un stade plein. Ça fait très plaisir à voir. Un changement à l'instant pour l'équipe de Watford avec la sortie d'Amrabat qui va être remplacé par le numéro 10. Alors, je regarde sur mes fiches. C'est un jeune joueur qui nous vient, je crois, du Sénégal. Le ballon va être remis en jeu. Est-ce qu'on peut avoir une description de sa coupe de cheveux, là, de ce nouveau joueur là, qui vient d'entrer, là, Camoun? Alors, il s'agit d'un palmier. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle technique de coiffure. Ouais. C'est un palmier inspiré directement des coupes de cheveux que les colons, enfin les anciens esclaves plutôt, excusez-moi, ouais, les anciens esclaves des îles avaient été adoptés pour se reconnaître entre eux, enfin pour se reconnaître entre les différentes ethnies, et qui a été réintroduite récemment. Vous savez que la question de la race, notamment dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, et revient fortement. Et du coup, voilà, on assiste depuis quelques semaines, quelques mois, à des coupes afro et comme celle-ci de ce soir, un palmier. Un beau palmier. Et là, une crête devant nous. Ah oui, les joueurs de foot qui ont toujours le goût des bonnes coiffures. On sait que c'est de rigueur aujourd'hui d'avoir une coupe de cheveux originale et des tatouages de plus en plus nombreux. Alors, le jeu est encore arrêté suite à... Très haché, là. Le jeu est un petit peu haché. Beaucoup de fautes parce que beaucoup d'engagement. Oui, les joueurs de Burnley qui lâchent un peu le pied. Ils viennent de marquer ce deuxième but qui leur permet de laisser venir un peu l'adversaire. Mais Watford est désormais tout de même trop faible. Alors que le standard téléphonique va être coupé. Je crois beaucoup d'appels pour voter déjà. Le coup franc est tiré pour Watford directement dans la cage de Burnley, directement dans la cage de Watford, et c'est dégagé encore une fois n'importe comment par tous les joueurs qui combat de chiffonniers. Oui, voilà. Alors le ballon est sur la droite et il est complètement dégagé directement en touche. 6 mètres, même si je ne m'abuse, non. J'ai l'impression que le joueur de Burnley fait n'importe quoi. Là. Et Dini, là, qui vient de protester auprès de l'arbitre pour réclamer une faute, mais évidemment, l'arbitre anglais, fidèle à cette insulte, alors que c'est plutôt lui qui a commis la faute, j'ai l'impression. Ce Dini ferait mieux de se taire. Oui, et il est costaud, et c'est peut-être pour ça qu'il est allé voir lui en premier, l'arbitre. C'est peut-être aussi parce que c'est le capitaine, mais il y a encore un coup pour contester de sa propre faute, et coup voilà, franc, il y aura. On vit avec vous, chers amis, le coup franc, et puis et après on passera à l'épreuve suivante si vous le voulez bien. Coup franc tiré soit par une patte gauche, soit par une patte droite. Les exemples. Ça a failli être pris directement, mais attention, ce n'est pas fini. L'action n'est pas finie. Remise dans le centre sur un. Peut-être une frappe de loin. C'était magnifique. On a failli assister au troisième but en direct, mais le gardien a été vigilant, le gardien de Watford. Et donc toujours 60e minute de jeu, toujours 2-0 pour Burnley ici au stade de la Watmore. Merci chers amis. Alors peut-être une petite question à la technique. J'ai l'impression que c'est la ligne avec le docteur qui éventuellement nous envoie ce grésillement. Peut-être il faudrait-il simplement rappeler le docteur au moment des interviews. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Brett. On va l'appeler peut-être le temps voulu, on va lui proposer. Oui. Vous nous entendez, docteur? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une fin de match complètement folle à Francis Leblé, deuxième but des Bretons qui viennent en fait de dépasser les Rémois et qui s'installent en tête du championnat. Je raccroche, vous me rappelez. À tout à l'heure, cher docteur. Alors, dernière épreuve de cette première partie, c'est vous, Esther Calais, vous y collez. Vous n'êtes pas sans savoir que des bâtons d'Anguirou, le dispositif des bâtons d'Anguirou, a cette année publié un petit opus, un opus de chronique, art dans lequel vous semblez exceller, nous l'avons vu précédemment. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, puisque très peu d'exemplaires ont été tirés de cet opus. Je rappelle d'ailleurs qu'il est dans la shortlist pour le Goncourt. On a eu la joie d'apprendre ça cette semaine. Les invitations pour le crayon, oui, mm-hmm. Tout à fait, c'est arrivé chez moi, ça fait plaisir. Il va s'agir, en quelques mots, quelques instants, ma chère Esther, de faire la publicité de ce livre, comme bon vous semble. On vous écoute. Eh bien, je vais être tout à fait franche, en fait. J'ai entendu parler la parution de cet ouvrage. Je me suis renseignée à la fois sur l'ouvrage en lui-même et puis sur les éditions Van Loo. C'est comme ça qu'on, qu'on dit. Tout à fait. Qui m'ont paru des éditions particulièrement intéressantes aussi. Voilà, fait par des gens dynamiques. Mais par contre, je ne me suis pas encore procuré cet ouvrage. Et en fait, sur le chemin pour venir au studio, et... je me suis dit, mais voilà, voilà une erreur que j'ai commise. Donc oui, je peux livrer quelques mots, mais juste pour vous livrer, voilà... Votre frustration. Je vais me rattraper. Oui, mais c'est une réponse. C'est une preuve d'honnêteté, ma chère Esther. C'est une forme de publicité aussi, puisque finalement, se procurer cet opus est un peu compliqué sur le chemin de la friche La Belle de Mai. Et ça, on peut le regretter. Est-ce que c'est la rareté du tirage qui le fait ou bien le... Peut-être un peu de manque de bonne volonté de la part des petites épiceries marseillaises qui ne cherchent pas franchement à se procurer cet ouvrage qu'ils pourraient rajouter à leurs fruits et légumes. C'est vrai, parce qu'on est sur du circuit court, là. Hein. C'est local. La page est verte, quoi, et témoigne voilà. D'une sensibilisation à l'écologie remarquable. 30 km, c'est par Aix-en-Provence de Marseille, donc on est sur une économie en circuit court, économie sociale et solidaire, je dirais. Parce qu'on n'a pas été payé, donc j'imagine que nous, on est solidaires aussi. Ah bah, on est complètement solidaires. Mon cher Brett, comment vous trouvez cette première partie des missions? Est-ce que vous sentez qu'un candidat se détache, selon vous, vous qui avez l'analyse toujours si fine? Oh, je ne dirais pas qu'un candidat se détache, mais en tout cas, des personnalités se détachent. Et c'est plutôt intéressant pour un premier round de voir des gens qui apportent une touche un petit peu personnelle chacun à l'exercice. Et ça, c'est assez engageant. Pas de faiblesse particulière pour le moment. Le combat va être rude, mais c'est beau jusqu'à présent. Et vraiment des styles différents, ce qui est quand même vraiment intéressant pour nous pour la suite. Et je suis assez impatient de voir les différents exercices qui restent à chacun. Ça peut être pas mal. Magic, un avis, vous, depuis le stade, peut-être? Oui, je trouve cette émission pour l'instant quelque peu timorée, puisque nous sommes toujours partis en début de saison très très rapidement, et là je trouve que eh bien, les candidats sont un petit peu fatigués par cette période estivale qui a été sûrement très chaude pour eux et pour tout le monde. Je crois qu'il serait bon de relancer un petit peu la machine en faisant tourner le turnover. Alors que là, le coup franc est directement tiré, il est repris. Là, là, là, oh là, là, là, c'est passé juste à côté. Mais voilà, je pense qu'un peu de sang frais, un peu de jus de citron, exactement, pourrait peut-être relancer la machine. Alors peut-être on va faire une petite pause pour que tout le monde reprenne ses esprits, une petite pause musicale éventuellement. Mon cher Brett, je crois que vous nous avez préparé une sorte de sélection turque ce soir. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas vous avez fait ce choix. Parce que je devais partir à Istanbul précisément, et oui. Je n'ai pas pu y aller. Mais du coup, voilà, je me suis nourri tout l'été de musique turque. Je me suis bien régalé. Alors, je crois que vous êtes revenu avec un disque d'un chanteur moustachu, ce qui n'est pas extrêmement rare parmi nos amis turcs. Un certain Baris Manko. Baris Manko, en effet, un très très bon chanteur turc. Mais je crois que vous le connaissez mieux que moi. Bon, on va en écouter deux petites minutes. Je crois que c'est Je me suis passionné tout l'été pour Baris Manko. J'avoue que sa musique est allée. À tel égal de sa moustache. Allez, bah on écoute un petit extrait. Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy y C'était donc Baris Manco dans Des bâtons d'Anguirou, premier épisode de la saison, qu'on devrait appeler d'ailleurs Des bâtons d'Anguivoice. On rappelle à nos chers auditeurs que c'est le grand concours de recrutement d'un nouveau chroniqueur, voire de nouveaux chroniqueurs au pluriel, on ne sait jamais si des égalités arrivaient à la fin de ce concours. Tout se passe très bien pour l'instant entre nos trois candidats, mon cher Dundé. Alors moi je voulais réagir à la musique. On sent que Baris Manco n'a pas été inquiété par le coup d'État. Ni par la purge qui a suivi, en fait. Quoi. Lui, il fait une musique tranquille. Bah là, on est de toute façon plutôt dans les années 60-70 avec l'ami Baris, a priori. Mais c'était pas tout repos, les années 60-70. Non, non. Non, mais en tout cas, concernant le coup d'État récent, je crois qu'effectivement, il est assez peu inquiété. Deuxième salve d'épreuve, c'est vous, mon cher Raphaël, qui allez vous coller au générique. On va lancer cette belle intro, cette intro que tous nos auditeurs et auditrices connaissent. On peut peut-être rappeler, mon cher Brett, le numéro de téléphone pour que les auditeurs puissent voter, puisque bien sûr, ils peuvent voter en direct, soit sur notre Facebook, Des bâtons d'Anguirou, soit par téléphone, au numéro que vous allez nous indiquer. Oui, tout à fait, ça sonne d'ailleurs beaucoup. Bah oui, j'imagine. Et les avis pour le moment sont très encourageants. Toujours pareil, pas de préférence, mais quand même, continuer, les gens sont impatients. Mais ça commence à voter, je dirais pas encore... Donc les numéros sont le 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10, et un deuxième numéro qui est le 04 91 08 28 15, 04 91 08 28 15, voilà. En somme, c'est 10 ou 15 à la fin. C'est 10 ou 15 à la fin, mais il vaut mieux répéter. Oui, mais vous avez bien. Les chiffres parce que voilà, vous l'avez très très bien fait. L'attention est intense, même pour les auditeurs. Allez Raphaël, c'est à vous pour l'épreuve du générique. Ils ont les meilleures équipes. Ils sont die halbesten Mannschaften. The main event. Eh bien voilà, mon cher Raphaël, une version bien différente de celle que nous entonnons à chaque émission, mais qui est une version intéressante, j'ai l'impression. Pas si différente du docteur, pardon. Si ouais, je me permets d'intervenir. Mais bien sûr, intervenez quand vous le voulez, mon cher Brett. Oui, j'hésite entre La liste de Schindler et Amadeus. Hein. Deux films du répertoire magnifique. Magnifique, j'ai envie de dire. Mais vous aviez un petit peu l'accent de Jean Lefebvre quand il parle allemand dans La 7ème compagnie. Il y a oui, un peu de truc un peu comme c'est ça. Possible, c'est ou la grande madrouille aussi. À l'époque ouais, où j'ai appris l'allemand, je regardais ces films. Vous avez de beaux restes. Mais très beaux restes. C'est formidable. Ah, le docteur peut-être souhaite s'exprimer. Ah non, c'est un appel du public. On verra ça tout à l'heure. Coach, une petite réaction à ce que nous venons d'entendre. Bon, je pense que là, il y a une... malgré tout, dans ce côté un petit, peut-être un peu caricatural, on retrouve finalement un fond de sincérité hein, qui se révèle sur ce masque de la passion pour Heidegger, en fait, de la part de notre invité. C'est intéressant ce que vous dites. Si je peux me permettre. Oui, permettez-vous, bien sûr. À l'époque où Handel a composé ses premières notes, le chef de chœur du Royal Academy of London s'appelait aussi Heidegger. Ah, et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Non. C'est d'une certaine manière ce qu'on appelle le pathos formel, une résurgence comme ça, des choses qui passent dans les gestes et l'histoire. Tout à fait, Raphaël. Je suis ravi de vous entendre à ce sujet. Alors, on va passer à la deuxième épreuve, peut-être. Je me tourne vers la régie. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose. Il y a une intervention, peut-être en régie. Visiblement, un auditeur est à l'antenne. Est-ce que c'est un auditeur qui souhaite passer à l'antenne ou. Alors, on vous écoute. Alors, cher auditeur, vous êtes dans des bâtons d'Anguirou. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous partager ? Du cher collègue qui nous a fait un chant en allemand, là, sur la musique symphonique d'un autre allemand, d'ailleurs. Et franchement, moi, je tiens à applaudir et puis à donner une note de 13 et 48 sur 50 parce que vraiment, c'était vraiment impressionnant et que je suis resté scotché derrière le poste radio. Et vraiment, il y a vraiment une énergie qui se dégage, quoi. Et depuis tout à l'heure, là, entre le foot, entre les poneys, entre les CD, les livres, les légumes, franchement, votre émission... Et moi, je vois bien la performance dans le ring. Hein. Franchement, je vois bien le combat depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup, cher auditeur, pour cette réaction. On espère que vous continuerez à écouter cette émission et les autres épisodes suivants. Bien évidemment. Bon, superbe. Merci beaucoup, cher ami. Et on va continuer cette émission avec vous, Martin Camoun, qui allez maintenant passer à l'épreuve de la chronique. On vous écoute, c'est votre lettre de motivation. Motivation. Oui, bah, j'ai toujours été très motivé quand il s'agit de sport. Au lycée, déjà, par exemple, c'est au prix d'un mental d'acier et d'une motivation à toute épreuve que je parvenais à rater par deux fois mon baccalauréat afin de suivre Roland-Garros. Je n'en perdis pas un coup. La première victoire de Guga Kuerten m'emplit d'une telle joie qu'elle fit presque passer au second plan cette satisfaction d'échouer à ce bac littéraire qui ne me motivait guère, lui. Il faut dire que j'étais bien coaché, très jeune déjà, par mes parents, qui, un fameux jour de mai 1993, me firent rater un jour d'école afin de participer au plus près à cette mémorable célébration collective du titre de champion d'Europe de notre Olympique national, qui nous entraîna au bout d'une longue nuit fiévreuse et m'empêcha le lendemain d'assister à mes cours de quatrième. Alors oui, la motivation existe. D'autant qu'aujourd'hui, dans mon métier de comédien, il en faut. Suivre un match sur un téléphone pendant une représentation et réussir à retarder au maximum son entrée sur scène, faire semblant d'écouter les directives du metteur en scène alors qu'en coulisses, les prolongations ont déjà commencé. Car oui, dans mon milieu théâtral, je dois dire que je me sens souvent bien seul et que peu de mes congénères partagent mon amour du ballon rond. Alors que j'ai toujours pensé qu'il y avait une similitude certaine entre une troupe et son metteur en scène et une équipe de football et son entraîneur. Mais laissons cela pour plus tard, ce serait trop long à développer ici. Revenons plutôt à la motivation qui m'habite à rejoindre cet aéropage radiophonique, cette assemblée d'amoureux de la babale, et pour l'homme de théâtre que je suis, l'idée est forcément alléchante. Faire se côtoyer, gestes techniques et tournures d'esprit, passement de mots et jeux de jambes, roucoulettes de diatribes ou encore feintes d'esprit et de corps. Tout ça dans ce studio, rappelant tantôt, et ce peut-être de par sa masculinité quasi exclusive, il faut bien le dire, l'ambiance moite d'un vestiaire suant de virilité et tantôt l'atmosphère enfumée d'un vieux bar parisien d'avant-guerre. Oui, tout me plaît ici, j'ose l'avouer. Et loin de moi la prétention d'égaler la verve de mes illustres collègues, c'est en toute humilité que j'espère apporter ma passion du sport et mon esprit de franche camaraderie. Et peut-être, peut-être proposer une petite chronique tennistique de temps à autre afin de partager ma science de la petite baballe jaune. Et à l'instar du fameux « la bite dans la porte » en rugby, on pourrait imaginer un Yannick Noah le poisson ou encore « j'en ai eu la chair de pouille ». Très cher jury, je vous laisse donc juge de ma motivation en compagnie de ces quelques mots de Patrick Sébastien. Dieu a fait l'homme à son image, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il aime le football. Eh bien, bravo, mon cher Martin. Merci beaucoup. Nous sommes plutôt contents ici dans les studios que vous soyez habité par la motivation plutôt que par le doute. Et en tout cas, très belle chronique, j'ai l'impression. Je vous laisse l'ambiance moite, cher Manu. Oui. Je souligne la polyvalence de Cameroun, en capacité de jongler à la fois avec les mots, mais aussi avec les sports, les formules. Donc c'est vrai que je suis assez conquis par la démonstration de positivité de notre candidat Cameroun. Coach, un petit conseil peut-être en tant que... Maître chroniqueur. Pardon, mon cher Magic, vous souhaitiez intervenir peut-être. Oui, pendant que je regarde le match ici à Burnley, j'ai cru entendre un carton. Un carton ? Un carton, oui. Alors, expliquez-nous dans tout ça. Dans la chronique de notre cher candidat, il mérite un carton. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, nous ferons les comptes à la fin de l'émission, mon cher Magic. Et vous faites bien d'être vigilant depuis votre petit poste d'observation. Coach, je voulais vous entendre, vous, sur la chronique de Martin Cameroun. Je dois vous avouer que là, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, du coup, puisque Magic a fortement retenu ma curiosité. J'aimerais bien savoir de quoi il en retourne. Bah, écoutez, peut-être. C'est à la fin qu'on fait les comptes. Il y a certainement un mot interdit. Un mot interdit, peut-être, qui a été placé dans cette chronique. C'est un carton jaune, rassurez-moi. C'est un carton jaune, bien évidemment. Mon cher Brett, on va tout de suite passer un coup de fil au docteur, puisque c'est l'épreuve de l'interview au docteur qui va arriver. Pendant que Raphaël Eindhoven va aller se glisser dans la cabine de commentaires, Esther, vous allez, vous, maintenant, vous plier à cet exercice. Fameux, et vous avez vu à quel point le docteur était un difficile interviewé. Il va s'agir de le faire parler un peu, de lui faire dire ses petits secrets de fabrication, ses secrets de conception. Et voilà, on va tout de suite le recontacter depuis la régie. Voilà, est-ce que vous nous entendez, mon cher docteur? Oui, je vous entends. Rebonsoir. Alors, ça a l'air d'être la grande forme au stade brestois. Oui, Francis Leblé est une nouvelle fois vainqueur et le stade brestois prend la tête du championnat de Ligue 2. Et c'est avec grand plaisir que nous fêtons ça avec mes camarades bretons dans mon garage. Parfait. Alors, c'est Esther Salmona qui va maintenant vous poser les traditionnelles trois questions au docteur. Bonjour, bonsoir Doc. Vous m'entendez ? Bonsoir Esther. Merci. Alors voilà, en fait, j'ai ramené un petit ouvrage sur lequel je vais m'appuyer pour vous poser pas forcément trois questions, peut-être juste deux, et ce ne sera pas forcément des questions, c'est plutôt des petits sésames, des petites clés. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir y réagir. Voilà, donc je me suis procuré dernièrement les élégies de Duino, de Rilke. Et sur la quatrième de couverture, il y a un petit texte. Et j'aimerais que vous puissiez éventuellement y réagir. Et c'est une question, donc je vous la lis. Qui donc nous a retourné de la sorte pour que, quoi que nous fassions, nous ayons toujours l'attitude de celui qui s'en va ? Et c'est peut-être la géographie qui va être sollicitée dans votre réponse, juste pour un petit filtre comme ça. Et, Alors, rappelez-moi tout de même l'auteur de cette prose. Rainer Maria. Je n'ai pas bien entendu. Rainer Maria Rilke. Rilke. Ah, Rilke, bien sûr. Très bien. Très bien. Alors... pour être retourné de la sorte, il est sûr que le football est un sport de retournement, de contournement, bien aussi. ça c'est sûr. Et le retournement, eh bien, c'est une part le retournement du maillot. Le retournement du maillot qui s'effectue à la fin des matchs, traditionnellement, voilà, et qui permet de donner à l'adversaire son maillot. Et c'est un moment extrêmement important. Donc c'est vrai que dans le retournement qu'on peut concevoir comme une fuite en faisant écho à cette célèbre chanson de Jacques Dutronc, eh bien il y a quelque part une fraternité qui se développe et c'est aussi ça le football. Oui, on parlait d'émotion tout à l'heure, peut-être que là ça rejoint une espèce de d'acmé post-jeu, c'est ça ? C'est bien ce que j'entends ou... Je pense que c'est plutôt c'est pas tellement la jouissance qui est mise à contribution dans ce registre-là, mais plutôt vraiment la fusion. La fusion qui n'est pas nécessairement liée au plaisir, mais plutôt, on va dire, à une certaine idée du bonheur. Certaine idée du bonheur qui est celle d'une dopamine en baisse, par exemple, lors d'une fin de match. Et je pense que voilà, on est plus dans des sentiments qui sont contrôlés au final, mais qui n'en restent pas moins des sentiments forts. Peut-être un exemple pour peut-être un modèle de société, je sais pas. Est-ce que je peux prolonger un peu la voix de Rilke, peut-être, si vous voulez bien. Donc c'est dans la 9e élégie. Alors ça, le son. Cette liaison téléphonique est malheureusement un petit peu défaillante. Donc je repars sur une citation. Voilà. Donc page 53. Voici le temps du dire, voici sa patrie, parle et confesse. Plus que jamais se perdent les choses que nous pouvons vivre, car ce qui en poussant les remplace, c'est un faire sans image. Et ça m'intrigue en fait, parce que là on est... vraiment dans un sport qui réclame la vue, peut-être même la pulsion scopique. Et là, nous sommes dans un médium radio, donc j'aimerais bien avoir votre sentiment et qu'est-ce que vous activez quand il n'y a pas d'image et que ça passe par et que le mouvement et l'action passent par l'oreille. Bien, il est vrai que par l'oreille, on fait en sorte de faire vibrer d'autres parties du corps, d'autres parties que cette vue si instantanée au final. Et donc, la beauté de la science radiophonique, c'est de jouer sur l'ouïe. Alors hélas, actuellement, avec toute la friture qui nous empêche quelque part de discourir, j'ai mal entendu par exemple les propos de Rilke, que je connais par ailleurs sur le bout des lèvres normalement, mais bon, je ne connais pas bien la page 53, et je pense qu'on peut, on peut effectivement voir là-dedans bien une forme de beauté intérieure que soulignerait le système radiophonique par rapport effectivement au flash de la pelouse verte, des maillots multicolores et bariolés qui sont quelque peu parfois choquants, même pour un œil habitué à cela. Merci beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que là... Merci beaucoup, merci, Esther. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, cher docteur. Deuxième interview et deuxième style complètement différent. Moi, j'étais assez séduit par ce qu'a été amené à dire le docteur par notre concurrente Esther Salmona. Eh bien, j'ai connu Rilke à l'époque où j'étais un jeune poète. J'ai puisé dans ses versets. Très connu finalement. Là, je trouve qu'on a affaire à une interview qui révèle deux poètes arrivés à maturité. Et c'est très plaisant d'avoir à la fois ce ton, cette analyse, ce détachement vis-à-vis des choses, de la réalité, mais aussi du football. Donc, un superbe interview. Poético-mature, en ce qui me concerne. Alors coach, on vous sent presque plus enclin à réagir aux propos du docteur qu'à réagir à l'interview en elle-même. Est-ce que je me trompe ? Oui, oui, j'ai trouvé que finalement notre docteur était, par son exil lointain, finalement devenu un petit peu presque nostalgique, voire mélancolique. Hein, il y a un peu de mélancolie, alors peut-être que la Bretagne aussi pousse à la mélancolie, et Brest peut-être encore plus... Mais devenez-vous mélancolique ? Est-ce que Rilke, finalement, hein, ce célèbre attaquant danois. Est-ce qu'il vous a finalement ramené à la surface des souvenirs et une mélancolie qui pourrait être rampante ? Le docteur n'y est plus là. Ah, le docteur a disparu. Le docteur n'est plus là, on va le retrouver un peu plus tard. Mais on va d'abord retrouver notre cher Raphaël Eindhoven en compagnie de Magic, bien sûr, à Burnley. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que cette fin de match est complètement délirante. 87e minute de jeu, toujours ici 2-0 au Turf Moor Stadium. Le dégagement est pour l'équipe de Burnley par son gardien qui balance dans la boîte. Ça joue à tout va, c'est-à-dire que l'équipe de Watford essaye tout et n'importe quoi pour essayer de récupérer au moins un but, pour essayer d'avoir quelques chances dans les prolongations, peut-être d'en mettre un deuxième et de revenir au score. Mais ça fait des contre-attaques de partout et le jeu est très haché, mais très très vif, comme toujours ici en Angleterre. Oh, je vois du vert, je vois du grand vert, un grand carré vert. Il y a maintenant quelque chose qui est apparu sur l'écran, c'est difficilement lisible. Attention, attention, nous voilà, on est de retour dans le match, on est dans le retour dans le match. Le carré vert s'est transformé en grand triangle, en grand losange vert. Il y a des formes qui s'agitent, on dirait des moutons, une petite balle blanche semble circuler d'ici et là. Il y a des bandeaux, je vois des bandeaux qui bougent, vert foncé, attention, nous voyons un corps, quelque chose, une masse avancée, une masse qui court, une deuxième masse qui court, nous sommes toujours dans le grand carré vert, un grand carré vert. Au fond, il y a des petits points qui s'animent, qui semblent bouger, ne pas bouger, je ne sais pas. Je vois quelques écritures par-ci, par-là, BUR, B-U-R, 2, 1, 0, des chiffres, 8, 9, 14, 15, ça bouge, 16, 17, 18, 19, 20, What, W-A-T, ça pourrait être what, quel, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis toujours dans le carré vert, je suis toujours plongé dans le carré vert. Le carré vert, les moutons s'avancent, il y a des petits moutons blancs, des corps, des choses, je ne sais pas ce que c'est très bien, je ne vois pas très bien. On dirait une sorte de... Je ne sais pas ce que c'est. Ça avance, ça bouge, il y a une petite chose noire au milieu, une petite chose noire qui s'agite et qui semble suivre cette petite chose blanche, cette petite boule qui avance et qui part toute seule, gentiment, dans une ligne droite vers la gauche. Le ballon est totalement accaparé par l'équipe de Watford qui mène toutes les contre-attaques et toutes les attaques. C'est plutôt l'équipe de Burnley qui mène 2-0 qui ne fait qu'agir par contre-attaque. Donc c'est un chiffre, le chiffre 4, mon cher Raphaël, c'est-à-dire qu'il reste 4 minutes de jeu dans les prolongations de ce match. Toujours 2-0. On joue la 90e minute à l'instant même. La boule blanche est en l'air. Voilà, le ballon est en l'air. Il est récupéré dans une contre-attaque, mais non tout de suite. Petite boule qui rebondit. De Watford, c'est Étienne Capoue qui se fait contrer. Et voilà la contre-attaque qui est lancée sur le côté gauche par l'attaquant. Je vois mieux. La zone verte est centrale, pleine. Elle prend tout l'écran. Il est obligé de tirer en touche. C'est intéressant. Ce n'était pas des moutons, c'était des formes, des masses. Celle-là est rouge et bleue, elle a un puma sur l'épaule. Chers amis commentateurs, on va vous adjoindre Esther pour cette fin de match, puisque je crois que si elle ne passe pas maintenant cette épreuve, il n'y aura plus de match. On analysera votre performance, mon cher Raphaël. Dans le grand néant vert. Magic, on en est où là ? 91e minute, c'est Ward sur le côté gauche qui fait pour Burnley la touche, qui va trouver un coéquipier sur l'angle du stade, mais l'arbitre qui vient de siffler une faute de l'attaquant de Burnley. Le ballon va pouvoir être dégagé par le gardien directement de Watford. À vous, ma chère Esther. Alors là, moi, c'est vraiment très étrange. En fait, je n'ai absolument jamais fait cet exercice. Donc là, peut-être que... Que se passe-t-il actuellement ? Je sèche sur... absolument totalement. Que voyez-vous à l'instant sur le stade ? Alors, non, le ballon... Je suis incapable d'avoir cette parole-là. Est-ce que vous voyez le ballon, ma chère Esther ? Est-ce que vous voyez le ballon ? Regardez le ballon qui est dégagé loin devant vers l'attaquant. Success, c'est celui qui avait la fameuse coupe... Palmier, tout à fait. Vous savez, c'est rasé sur le côté avec des tresses au-dessus de la tête. Là, je ne le vois absolument pas. Ah, qu'est-ce qui se passe, là, Esther ? Un joueur sur le bord du terrain, d'après vous ? Oui, alors, il va aller sur le terrain, là. Il se prépare, il est en train de remettre... Oui, il vient de faire un saut, là, il rentre. Il s'échauffe, il attend que son coéquipier le rejoigne. C'est celui qui sort, que vous voyez à l'écran. Et voilà, qui va taper dans les mains pour dire toute sa solidarité à son coéquipier, en espérant qu'il marque un but, encore un but et toujours des buts. C'est parce que c'est le but de ce jeu, marquer des buts. Alors voilà, le ballon est arrêté pour l'instant. Ma chère Esther, ne vous démoralisez pas, parce que jusqu'au bout, si, dans si, un match de foot, il peut se passer tout et n'importe quoi. Là, pour l'instant, il y a toujours 2-0 pour l'équipe de Burnley. Mais qui dit que ce n'est pas Watford qui va gagner ? Le ballon est absolument accaparé par les joueurs en tunique blanche, les joueurs de Watford qui essayent de ramener tout et n'importe quoi, qui ont l'espérance accrochée jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe là actuellement sur le terrain, ma chère Esther ? Il y a une grande partie du terrain qui est à peu près vide. Voilà, les voilà qui se rassemblent. Il y a des chutes. Alors, oh là là là là là là là là, notre ami l'attaquant dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Ichalo qui a failli récupérer le ballon à 5 mètres des buts des cages de Burnley et qui a failli reprendre le but. Mais l'arbitre a sifflé et une faute, une poussette, et c'est le gardien de Burnley qui va pouvoir dégager son camp sous les yeux complètement passif et désespéré de l'entraîneur, pardon, de Watford. Est-ce qu'ils sont encore motivés ? Ils sont absolument motivés. Regardez les courses qu'ils vont faire. Regardez le saut. Ah non, plus personne qui saute, c'est vrai. Mais si, ça se bat. Regardez Étienne Capoue qui va relancer directement dans la boîte et qui lance pour son attaquant. Et ballon sur le côté gauche pour Success et qui tire. Oh là là là, c'est passé à quelques centimètres des cages de Burnley. Success a raté. Et c'est son surnom exprès, parce qu'il a l'habitude de rater son succès. Voilà, il reste quelques petites secondes à jouer dans ce match. On va aller peut-être jusqu'au bout si le temps nous le permet. Bien sûr. Le gardien de Burnley qui prend évidemment tout son temps. Il a un joli maillot bleu, une jolie petite tunique avec des crampons jaunes. Et le voilà qui dégage. Et le stade et l'arbitre qui siffle à l'instant le coup de sifflet final, 2-0 pour l'équipe de Burnley, ici en direct du stade de Watmore dans le centre de l'Angleterre. Bah écoutez Magic, on va tout de suite vous donner la parole. Qu'est-ce que vous avez pensé des deux derniers candidats qui se sont assis à vos côtés ? Je crois que ce sont des candidats dont nous avions sur le CV des formations récentes sur Excel et sur... je ne sais plus quel sur autre... PowerPoint, voilà. Et je pense que c'est une bonne idée d'appliquer des logiciels aux commentaires de football. Je crois que c'est une idée à développer pour l'avenir. Très bien. Dernière épreuve de cette première salle, c'est la pub. Et la pub pour le livre « Des bâtons d'Anguirou », c'est vous, mon cher Martin Camoun, qui allez vous plier à cet exercice maintenant. Vous avez une petite minute pour vendre cet ouvrage à nos auditeurs. Ah, très bien. Mais vous me prenez de court un petit peu, mais écoutez... C'est le jeu, mon petit Martin. Absolument. Je l'ai trouvé dans une formidable librairie. Laquelle donc ? Ah ben, l'histoire de l'œil, je crois bien hein, qu'il s'agit de l'histoire de l'œil. Si les auditeurs n'ont pas bien entendu que c'est à l'histoire de l'œil, entre la plaine et la place Notre-Dame-du-Mont, à Marseille, que l'on peut trouver ce formidable ouvrage, mis en édition Venlot par Philippe Auer, le préfet, comme on l'appelle aussi, de l'embobineuse. Et c'est passionnant, et j'ai pris un plaisir fou à lire pendant une petite après-midi toutes vos chroniques, à vous tous. J'ose l'avouer, je l'ai mis dans mes toilettes ensuite, car c'est un formidable livre de chiottes, comme on peut dire. Et néanmoins, j'ose aussi l'avouer, ça m'a mis la pression un petit peu, quoi, parce que je vous trouve à tous un style, une rhétorique, un humour... formidable, et ça met la barre très haut. Et moi qui postule pour devenir chroniqueur, je me dis qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler et atteindre ce niveau d'excellence verbiale qui vous est cher à tous et qui est passionnant, de mettre le monde réel en comparaison avec le foot ou le sport en général même, car nous avons eu par le docteur Lehmann ce fabuleux article sur le French Flair qui faisait référence au rugby. Un très bel ouvrage qui se lit parfaitement bien et très agréable. Bravo, bravo mon cher Martin Dundee. Bah, un petit côté lèche quand même. C'est vrai, c'est on a plus côté lèche, un petit côté franchise avec Livre de Chiottes. Oui. C'est vrai qu'on en a parlé, on est tout à fait d'accord avec cette appellation. Livre de Chiottes, une AOC nouvellement créée, mise en mots par vous, cher Martin, mais tout de même un petit côté lèche, notamment sur la dernière 1 minute 30 de votre intervention. Coach, un petit mot. Oui, c'est vrai que là, on a plus l'impression d'un formidable vendeur des gens qui, ont fait qui participent au livre plus que de l'objet lui-même. Hein. Peut-être que vous auriez fait un formidable esclavagiste. Mais moi, je voulais peut-être revenir un peu sur les commentaires de match. Ah, très bien. Allez-y, mon cher coach. Notre ami Eindhoven, en fait, on avait quand même un petit peu l'impression qu'il commentait le tirage du loto. Hein. Peut-être plus que du football, mais après tout, pourquoi pas. Hein. Dans le sport, il y a toujours cette fameuse part de hasard que nous avions évoquée un petit peu auparavant. Quant à Esther, je pense qu'elle s'est un peu laissée. Alors que Rilke, finalement, il y a eu cette discussion sur finalement un sport scopique qui fait oui, appel à cette fait. Capture de l'œil par les images, que là, peut-être, que commenter les images. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est un sport et un divertissement et ça demande de la pratique. Hein, c'est très très bien connu. C'est très intéressant d'être confronté à cet exercice et d'être dans un silence visuel. Alors, à la décharge, je trouve aussi d'Esther, j'ai l'impression que Raphaël Noven a un peu coupé le sifflet de notre ami Magic et qu'il s'est un peu rattrapé aussi sur la suite des événements. Magic, vous le savez, chers auditeurs, a la verve lourde, mais c'est lui qui fait le mieux vibrer nos petits supporters qui sommeillent en nous. Alors, vous parlez de qui, mon cher Manuel ? De vous, mon cher Magic. Ah, je vous remercie tant. écoutez, j'ai été complètement absorbé par l'univers fantasmagorique de notre ami Raphaël, qui, pour une fois, m'a fait voir le football sous un angle tout à fait nouveau. Et j'ai été happé par les couleurs. Les couleurs que d'un seul coup je me suis mis à voir, les petits cercles, les petits points rouges, les petits points blancs qui se couraient après, c'était devenu quelque peu mathématique, quelque peu philosophico-footballistique. Et d'un seul coup, j'étais redevenu peut-être le petit garçon qui devait rédiger sa petite équation devant toute la classe quand j'étais en quatrième et que je me suis fait humilier. Enfin, quelque peu désarçonné en tout cas par l'intervention de notre ami Raphaël. Mais je crois qu'effectivement... ça nous a cloué aussi tous les deux, Esther et moi, pour la suite, parce que il fallait revenir au match. Alors effectivement, l'expérience a beaucoup joué, très certainement pour moi. J'ai écumé plus d'une centaine de stades ici en Europe, il faut se remettre de pas mal de choses, effectivement. Brett, on va, avant d'écouter Esther dans l'épreuve du générique, faire une toute petite, très courte pause musicale, peut-être avec l'ami Ersen, un autre chanteur moustachu. Mais avant, il y avait peut-être un dernier message de l'auditeur de tout à l'heure. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez poursuivi la conversation. Oui, il y avait un salut qui était adressé à Esther. Alors, ça donne des pistes sur qui est l'auditeur. Un salut d'un certain Loomps. Si j'écorche pas son nom, j'espère ne pas l'écorcher. Mais voilà, Loomps vous salue. Un fan. Et j'ai eu aussi un message par téléphone mobile. Je ne sais pas comment mon numéro d'ailleurs a été divulgué. C'est moi. C'est vous, ouais. Et qui encourageait très fortement Martin Camoun. Un partout. On n'a pas encore délibéré sur tous les appels téléphoniques et sur tous les votes. Mobilisez-vous pour Raphaël Eindhoven. Faites le 2 pour Raphaël Eindhoven. Faites le 1. Ou passez simplement un coup de fil, ça sera beaucoup plus simple. Camoun. Allez, on repart un petit coup sur la moustache, juste pour souffler un peu, et on termine cette émission avec la dernière salve d'épreuve. Nous entendons. amante di minolta beyler aman aman evlat derde ağlar mola anam derdi minolta beyler aman aman evlat derde ağlar mola. Kozağın dağına karı dizley gidizley yaralarım göz göz oldu beyler aman aman cerrah gözle gözle yaralarım göz göz oldu beyler aman aman cerrah gözle gözle. Kozandağ çatal matal arasında aslan yatar bir yiğitim bir gelin yeter beyler aman aman. Des bâtons d'Anguy Voice, c'est le grand concours de Des bâtons d'Anguy Roux pour recruter un nouveau chroniqueur en ce début de saison. Pour l'instant, tout se déroule très bien. Nos trois candidats, dont vous allez rappeler les noms, mon cher Dundé. Martine Camoun, à ma gauche. Raphaël Eindhoven, philosophe d'un jour, philosophe toujours. Et Esther Salmouna, qui est écrivain, artiste, vagabonde, paysagiste. Est-ce que ça se passe bien pour vous, mon cher Brett, vous qui observez tout ça de votre œil aiguisé ? Hyper bien. Je dois développer. Ça se passe très très bien, et écoutez, pas mal de choses à dire sur tout le monde. J'ai beaucoup aimé l'attaque d'Esther destinée à Magic, et je pense qu'on n'a pas assez pris en compte le côté « j'attaque par le silence ». Magic dans le verbe, maintenant on n'a plus rien à prouver à personne. C'était Keijin. Dans une espèce d'une immense sagesse. Oui, on ne l'a pas souligné, mais c'était le ça. Le silence d'Esther a résonné de plus en plus fort au fur et à mesure que les minutes avançaient. Et c'était bruyant comme silence. Moi, je félicite cette tactique. Parce que John tactique. Cage, c'est cache de foot, quoi. Aussi. Ouais, puis c'est has-been John Cage maintenant. Et oui, mais les caches de foot. Ah, cage de foot, et ouais. Oui. Ah, bah ça, ouais, en effet. Et oui. Elle est excellente. Elle est magnifique. Elle est excellente. Rio dépourvu, je suis navré d'Ondé parce qu'elle est vraiment excellente. C'est un surnom à trouver. Mais non, très bien. Les prestations de chacun sont formidables, avec des styles, encore une fois, toujours différents. Le commentaire a été une épreuve quand même vraiment difficile. Oui, et c'était compliqué. Et puis, d'abord, il faut bien sûr s'adapter à l'ami Magic. Pour ceux qui ont vécu, et nous l'avons fait, les commentaires en compagnie de Magic, c'est quand même dur d'en placer une. Le shérif avait, lui, choisi d'aller à la buvette directement. Oui. Parce que Magic est indétrônable, évidemment. Mais alors, Martin Camoun a essayé de l'attaquer sur son terrain et il s'en est très très bien sorti. Et Raphaël a pris la tangente et il s'en est très bien sorti. Donc c'est un beau combat, mais c'est un combat difficile. Et Magic n'est pas décidé à laisser passer. Peut-être est-ce l'épreuve du générique qui va départager tout ce monde. Puisque pour l'instant, on a eu vraiment deux versions extrêmement différentes. On va voir la troisième version avec vous, Esther. Nous lançons le générique de Des bâtons d'Anguy Roux. Ce sont les meilleures équipes. Les meilleures équipes. Sie sind die allerbesten Mannschaften. Die Meister, die Beste. Les meilleures équipes. Die Champions. Die Meister, die Beste. Les meilleures équipes des Champions. Bah écoutez, voilà, encore une version tout à fait originale, ce qui, moi, me laisse penser qu'on est quand même un peu pleutre, peut-être, dans notre façon de démarrer nos émissions. Peut-être qu'on pourrait un peu changer des choses de temps en temps. On est assez académique, c'est vrai. On peut le dire ici, on a une accroche assez académique. C'est vrai. Oh, on a tenté quand même des nouveaux génériques, mais on n'a jamais été à la hauteur de l'interprétation musicale qui nous avait été fournie. C'est vrai. Non, alors bon. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on renie à notre grande passion pour l'opéra. Et notre côté comme ça, un peu lyrique patachon. Voilà. Lyricon. Nous formons un chœur, au sens propre et au sens figuré, j'ai envie de dire. Et j'ai bien aimé la prestation d'Esther... à la Gainsbourg, on s'en fout un peu de la voix, on est là. Il manquait le bruit des vagues derrière. Ça aurait été superbe. Les vagues bretonnes, peut-être. Oui. Certainement. Et d'ailleurs, ce qui nous. S'il est au téléphone. S'il est au téléphone, en tout cas, j'imagine qu'il nous entend. Le docteur a senti l'hommage. Merci, coach. Raphaël, c'est à vous maintenant. Nous allons écouter votre motivation, nous allons écouter votre chronique. Madame, monsieur. Quoi qu'on en reste pour monsieur jusqu'à la fin de l'émission, pour l'instant en tout cas. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. C'est ce que disait Camus. Camus, dont on sait peu souvent qu'il a été gardien de but, au RUA, le Racing universitaire d'Alger. Albert Camus, qui fonde sa philosophie autour de l'idée d'absurde et met au cœur de son projet, la question morale, éthique, restera donc un de ces grands hommes qui n'ont jamais perdu de vue la modestie et la proximité du peuple et de l'action. Si Camus n'est pas un phénoménologue, il a pourtant le sens pratique, le sens de la pratique, de la praxis, et ça, c'est formidable. Et c'est dans cette démarche que Raphaël Eindhoven vient vers vous aujourd'hui dans un souci de modestie, d'ouverture, dans le souci, comme il aimait à le dire, de soumettre l'érudition à la vie, ou pour ceux qui nous occupent ici, de soumettre l'érudition au football, qui est la vie. Je citerai bien volontiers mes lettres de noblesse pour vous conduire à l'évidence d'un choix qui vous paraît pourtant tout cornélien. Mais à quoi bon ? Oh, et puis je me lance. Je ne peux pas faire de mal. En tout cas, pas à ceux qui veulent me suivre par-delà le bien et la balle. D'abord, chroniqueur au vendredi de la footballistie de 2003 à 2006, je deviens producteur à l'occasion d'un radio libre sur Raymond Ballon, où Nicolas, François, Pierre et Casanova m'accompagnent. De 2007 à 2011, je suis chroniqueur au Nouveau Chemin de la Co-Défense, alors que dans l'intervalle 2006-2007, je produis une petite émission politique. En 2012, j'interviens de manière hebdomadaire sur Rance Culture dans l'émission Le Monde selon Raphaël Eindhoven. Et c'est en septembre 2012 que je crée l'émission Le Gai Lavoir, où il est question du rapport de la philosophie antique grecque à la praxis de la sortie de terrain dans les vestiaires. Conçu comme un dialogue à bâton rompu entre un élève et un professeur, dialogue et bâton, métaphore, qui nous rappelle l'analogie hellénique et les pratiques des maîtres grecs et leurs élèves. L'émission a pour but de donner à comprendre, c'est-à-dire à aimer, des êtres, des footballeurs, des rugbymen qui nous comprennent et nous prennent déjà. Je ne suis pas sans savoir qu'un bâton rompu est une devise, que dis-je. Un cri de guerre, un rituel, les paroles d'un haka prêt à châtier Giroud au moindre faux passement de jambes. Oui, c'est une devise ici, mes amis. Et je l'ai faite mienne. Et j'ose espérer que vous me rendrez l'appareil en m'invitant, en me débauchant, dans des bâtons dans Giroud. Enfin, pour la saison 2016-2017, j'interviens sur une matinale dans un billet du nom de la morale de l'infoot. Je ne cite pas les innombrables parutions, textes et enregistrements qui disent ma spécialisation dans à peu près tous les domaines, et plus particulièrement sur l'œuvre de Roland Barthez, Albert Carnu, les domaines... Oh pardon, excusez-moi. Sur donc Roland Barthez, Albert Carnu, bien sûr, Djibril Cicéron, bien connu, mais encore Bernard-Henri Mendy, dit BHM, ou Blaise Pascal Matuidi. Est-il nécessaire de rappeler que je connais très bien Abu Dhabi et que j'y ai mes entrées et collabore au projet du Louvre qui va naître là-bas ? Je fais l'impasse sur le cinéma qui n'est pas à l'amende puisque j'ai contribué à la parution d'un essai aux éditions Caprice Sissi sur le formidable biopic sur Antoine Griezmann, l'ours, etc. Et un article critique sur Jean-Marco Ferreri. Mais puisque nous parlions morale, revenons-en à nos moutons et à la fonction qui pourrait être la mienne ici. Et si j'étais l'arbitre ? L'arbitre de touche. Votre arbitre de touche. Car qui dit arbitre, dit arbitraire. Et ce que les auditeurs entendent, Manuel, Magic, dépasse peut-être parfois ce qu'il vous est possible d'entendre, vous. Votre champ d'écoute est un arbitraire, et quoique vous ayez la charge du modérateur ou de l'animateur, vous ne pouvez prétendre tout englober du jeu qui se fait sous vos yeux, sous vos oreilles, sous nos oreilles, et espérez à vous seul réagir convenablement, pardon, et espérez-vous seul régir convenablement les règles de la bienséance qui vaut dans chaque jeu. Tout ça me fait penser à cette fameuse histoire de faute, la faute de Harald Schumacher, sur Patrick Battiston lors du match France-Allemagne à Séville, le 2 juillet 1982, où le premier laissera sur le carreau et dans le coma le deuxième. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbitre ne la voit pas, ou dit qu'il ne la voit pas, et ne siffle pas, alors que dans le même temps, le monde entier, qui suit le match sur son poste de télévision, l'a vu. Et c'est là que je veux en venir, Manuel, Doc. Il faut un arbitre de touche, un point de vue différent et englobant pour tenir à bonne portée les propos déplacés. Et qui mieux qu'un philosophe, qu'un maître de l'arbitraire, somme toute, pour gouverner d'une oreille discrète et non distraite, qui mieux que moi ? Car moi, chroniqueur, je respecterai la pétanque et le football. Moi, chroniqueur, je ne peux pas être le chef de tout et responsable de rien. Moi, chroniqueur, je ne serai pas l'entraîneur de la majorité. Moi, chroniqueur, je n'enverrai pas mon Doc ou mon Manuel valser. Moi, chroniqueur, je ne participerai pas à des colloques de supporters pour mon club dans un parc des princes, non. Moi, chroniqueur, je ferai fonctionner l'arbitrage d'une manière indépendante. Moi, chroniqueur, je n'aurai pas la prétention de nommer l'animateur de Bâton de Guirou, émission hautement publique. Moi, chroniqueur, que mes joutes verbales soient en chaque instant exemplaires. Moi, chroniqueur, j'aurai à cœur de ne pas avoir le pénalty facile d'un meneur de finale. Moi, chroniqueur, je constituerai une équipe de football paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, chroniqueur, je ferai un acte de décentralisation et reviendrai à la passe en profondeur et une recentralisation. Moi, chroniqueur, j'engagerai des grands débats. Moi, chroniqueur, j'essaierai d'avoir la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations et le souci de la proximité, d'ajuster le tir dans la lucarne et le souci du contact et du tacle. Moi, chroniqueur, j'aurais évoqué un chroniqueur normal, mais rien n'est normal quand on est chroniqueur. Merci. Alors là, bravo, quelle emphase. C'est marrant, j'ai un peu moins aimé, moi, cette quoi. Je sais pas. Non, non, bravo, bravo, mon cher Raphaël. C'était bien sûr une petite boutade. Est-ce qu'on réagit brièvement sur le plateau pendant qu'on appelle le doc pour la dernière interview? Moi, je trouve ça magnifique. Mm-hmm. Très belle chronique. Mm-hmm. Trois objections. Raphaël est beaucoup trop cher. C'est la première. Raphaël est issu des classes supérieures de la société, donc son mérite est amoindri. Et la troisième, eh bien, je ne m'en rappelle plus. Peut-être c'est le coach qui aura une troisième objection, nous ne savons pas. Non, non, je vois que notre candidat a pris finalement le mot tribune au pied de la lettre. Il nous a fait une tribune à lui tout seul. Et non, ça me faisait penser à cette boutade de Pierre Desproges qui disait quand on pose une question à un philosophe, une fois qu'il vous a répondu, on ne se rappelle plus quelle question on lui avait posée. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même, malgré tout, au bout du compte. Ce qui fait que du coup, c'est une très bonne chronique, rien que pour cette raison. Voilà. C'est qu'on ne sait plus finalement à la fin pourquoi elle existe, mais en tout cas, on sait pourquoi on l'a vécue. Voilà. Historiquement, un des bâtons d'Anguirou, c'est le docteur qui est spécialiste des chroniques. Peut-être a-t-il un avis à donner sur cette dernière... ce dernier exercice. Docteur ? Oui. Est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends, j'espère que vous m'entendez correctement. Parfaitement. Bon. Eh bien, j'étais très touché par ces propos de Raphaël Eindhoven. Voilà, je pense qu'effectivement, nous avons besoin de 109. Il faut des gens qui sachent parler au français. Et je crois que nous avons trouvé à qui parler. Alors maintenant, docteur, vous allez vous plier une dernière fois à l'exercice de l'interviewer. Et c'est Martin Camoun, mais je crois que Dundee le dit bien mieux que moi. Martin Camoun. Voilà, Martin Camoun, donc il va vous poser les traditionnelles trois questions. Docteur Lehmann, bonjour. Bonjour Martin. Alors on vous sait reclus la plupart du temps en tout cas, car là apparemment vous êtes à Brest, mais sur l'île de Léron, ce qui entraîne votre absence regrettable de cette première édition de rentrée. On sait que les îles en général sont un bon terreau de sportifs, tels les rugbyman des Fidji ou autres Samoa. Les surfeurs d'Hawaï sont légendes, le bobsleigh cher à nos amis jamaïcains. Qu'en est-il de l'Héron ? Pourrait-on dire qu'un sport se détache chez les jeunes oléronais ? Eh bien, mon cher, il y a une tradition dans l'île d'Oléron, une forte tradition dans ces zones de marais dont nous sommes issus, moi ainsi que Manuel, c'est la tradition du sel, la tradition du marais salant, qui hélas, avec la naissance des mines de sel, disons l'exploitation massive des mines de sel de l'est de la France, a fait basculer les marais salants dans l'huître. Voilà. Donc nous sommes actuellement dans une forme de coquille vide. Alors qui sait comment utiliser cette coquille vide d'une manière sportive ? Sera-t-elle la Schistera qui sortira finalement notre île de l'abîme ? Nous ne savons pas encore. Magnifique, magnifique réponse, merci beaucoup. Ma deuxième question sera un peu plus personnelle. On remarque souvent dans le sport une sorte de relâchement de deuxième carrière lorsqu'un enfant fait son apparition dans le foyer d'un athlète. Andy Murray, par exemple, était prêt à annuler sa finale des JO si sa compagne accouchait avant terme. Cyril Pouget rata un pénalty quand il apprit que sa femme venait de mettre au monde leur premier enfant. C'est une famille très nombreuse d'ailleurs. Et sans parler de sportives femmes qui ont du mal à retrouver leur niveau après une grossesse. Y a-t-il donc à craindre une baisse de régime de votre part au sein du dispositif des bâtons d'Anguirou maintenant que l'on vous sait papa, si je ne m'abuse, docteur ? Eh bien, je pense que vous vous leurrez formidablement, mon cher Martin. Je pense que la paternité, tout comme la maternité, apporte un surplus d'adrénaline que d'aucuns cherchent par d'autres moyens, parfois moyens détournés, qui leur causent des maux divers et variés, alcoolisme, drogue, fréquentation de maisons closes ou plus ouvertes. Et heureusement, la paternité nous garde de tout cela, mon cher Martin, pour garder le cerveau et l'esprit clair dans une synergie familiale qui conduit parfois au but. Magnifique, je suis ravi de cette réponse. Et enfin, ma troisième question, car on vous sait féru de géographie, ce sera une petite question géographique du coup. Pourriez-vous, cher docteur, nous donner la superficie de l'île de Léron à 10 km carrés près ? À 10 km carrés près. Bien, l'île d'Oléron est un losange de 35 km sur 8. Alors, il vous suffit de multiplier 35 par 8 et de diviser par 2, et vous aurez la superficie de l'île d'Oléron, soit 35 x 4 égale 140 km². J'avais sur mes fiches 174. Mais voilà. Écoutez, hein. Je... C'est donc une mauvaise réponse, docteur. Désolé, docteur, mais tout à fait. Les polders. Très certainement. Il faut savoir à quelle période on mesure cette île. C'est vrai. C'est exact. Aussi les marais grandissent forcément. Docteur, est-ce qu'un... On remercie d'abord Martin, bien sûr, pour ces trois formidables questions. Est-ce qu'un candidat se dégage, selon vous ? Est-ce que vous avez un favori ? Eh bien, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de favoris. J'ai l'impression que ces trois candidats nous ont livré une belle bataille contre eux-mêmes pour affronter ce qui fait parfois peur, à savoir un micro. Moi qui bénéficie maintenant d'un téléphone, c'est plus facile, je le sais. Et ils se sont tous illustrés avec brio dans diverses disciplines, dans des défis que nous-mêmes n'avions parfois pas réussi à mener. Et donc, je suis très très confiant quant à l'avenir de cette émission et quant au futur de nos candidats. Merci docteur, on vous retrouvera peut-être en toute fin d'émission pour le traditionnel au revoir et à tout à l'heure. Peut-être pas mon cher, mais peut-être que je vous dirai à bientôt en direct. Alors à bientôt mon cher docteur. Salut doc. Ciao. Un départ à la Valérie Giscard d'Estaing. Ah ben oui, je vous laissais le dire, mon cher Dondé, puisque on connaît votre goût pour la politique en général et pour la période giscardienne, une certaine affection pour tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Cet outsider sorti de nulle part. Tout à fait. Avec son crâne d'œuf. Eh oui. Joueur de son accordéon, tout à fait, coach, et joueur de football aussi à ses heures perdues, l'ami Valérie. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je crois avoir vu des photos de lui en short et chaussettes de foot bleues. Alors, on va terminer cette émission par la publicité. Raphaël Eindhoven, vous allez faire la publicité de l'ouvrage « Des bâtons d'Anguirou ». Vous avez, je crois, bien préparé cette épreuve. Raphaël déteste toute publicité qui n'est pas de lui-même. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas dans le premier volume. Peut-être vous serez-vous dans le second. À vous de nous le dire. Bon, avant de parler directement du livre, mais pour y faire écho immédiatement, je voudrais revenir sur mon commentaire de match. Et d'une certaine manière, par le début de ma lettre de motivation. Vous voulez tout refaire, du coup ? Je ne veux pas tout faire, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est la praxis, la pratique et le côté populaire de tout ça. Et que, d'une certaine manière, le football, ça se fait, ça se vit, ça se joue. Et que, d'une certaine manière, l'image, je la mettais à distance pour rappeler à nos auditeurs qu'il vaut mieux jouer sur un terrain que de regarder des matchs de foot à la télévision. Pour ce qui est de la praxis par rapport au livre. Je crois que ce que vous avez tenté dans ce recueil de chroniques, c'est avant tout de décentraliser à nouveau, de sortir du carcan le football là où il est placé aujourd'hui. Et c'est ça qui est brillant, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est formidable. Nous ne sommes pas dans un commentaire de match, non. Nous ne sommes pas sur les résultats, nous ne sommes pas sur les pronostics ou sur de la technique. Nous sommes sur le reflet du football dans la société et la société qui se reflète dans le football. Je crois que la qualité de ce livre, c'est celle-là, c'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur, dans l'intime, tout ce qui dans le football peut refléter un peu des sensations, du pathétique, de l'amour, de la haine, de la violence. Il y a beaucoup de violence aujourd'hui au football, on les voit sur les fautes. Et je crois que dans ce cadre-là, c'est un livre très intéressant. Et j'ai en face de moi la couverture du livre, qui est un très beau livre. Le papier est très bien choisi, tout est formidable. Très bel objet. Je crois que la couverture est un peu le reflet de ça. Non, vous n'avez pas choisi de mettre une photo de footballeur, une énième photo de footballeur, une icône, somme toute. Vous avez décidé de mettre un dessin, et presque un symbole, d'une certaine manière. Et à travers ça, cette couverture illustre aussi ce que le lecteur trouvera à l'intérieur du livre et la tentative qui est faite à travers ces chroniques, c'est-à-dire qu'on est, on est dans le dessin, c'est-à-dire l'analyse, le regard, le travail et la pratique. À nouveau. Donc, je crois que, de mon point de vue, c'est là que le livre est intéressant. On n'est pas dans l'icône, on n'est pas dans la star, non. On est dans le travail du football, au quotidien, avec le peuple. Alors, ainsi se termine, du coup, le déroulé des épreuves du grand concours des bâtons d'Anguivoise. J'avais envie de vous interroger, coach. Tout le monde sait que c'est vous qui tirez les ficelles dans l'ombre ici. Est-ce que vous pensez que Raphaël Eindhoven a vu juste sur sa manière de percevoir et de promouvoir cet ouvrage? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment dire qu'on s'adresse au peuple. Je ne suis pas sûr. Mais bon. Après, c'est sûr qu'il s'agit finalement de prendre le football, mais c'est un peu le projet de l'émission dès le départ. Il s'agit un petit peu de prendre le football pour certains sports, certains divertissements, et aussi finalement pour le reste du monde aussi. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, voilà, on est un petit peu en phase avec, on est un petit peu dans le grand bain, quoi. C'est pas, on fait pas du papillon tout seul. Alors Donné, pour conclure cette émission, vous avez proposé de mettre au point un système... D'autant qu'on n'a pas choisi le papier ni la couverture, nous on proposait un footballeur en couverture. Oui, on proposait même... On s'est fait rebooter cordialement par... Tout à fait. Vous avez une écorchure sur le bout du nez, Donné, d'où vous vient-elle ? Oh, c'est pas un match, hein. j'ai pas été au turbin, non, c'est une égratignure domestique. Très bien, un cactus. Quasiment. Alors vous avez mis au point un système qui permet au dispositif des bâtons d'Anguirou de se prononcer un petit peu, je crois. Mmh. Expliquez-nous un petit peu ça. Oui, en fait, c'était très simple. C'était le principe du candidat William Vainqueur. William Vainqueur, cette nouvelle recrue de l'OM, en fait. Et l'idée, c'était de déterminer qui était plutôt Will Vainqueur, plutôt Liam Vainqueur, ou plutôt William Vainqueur. Mais j'avoue que voilà, cette idée pour moi est totalement dépassée. Je suis en incapacité, finalement. Je trouve que nos trois candidats présentent des qualités phénoménales. J'ai envie de dire que je les aime tous, tels qu'ils sont. Quelles que sont leurs propositions. C'est donc le public qui départagera ces trois candidats. C'est le public ou pas. On peut aussi décider que par le fait du prince... C'est-à-dire qu'il y a quand même un huissier qui est derrière tout ça et qui recense les votes du public. Il va falloir lui rendre des comptes quand même à cet huissier. C'est Coluche qui tire les ficelles et je ne suis pas au courant du tout. Je tiens à le préciser. Quant à moi, les portes sont grandes ouvertes. Alors cependant, du côté de la régie, Brett Magic, est-ce que vous avez envie de vous prononcer pour tel ou tel candidat ou... Tout d'abord, il faudrait quand même que je dise que j'ai reçu de nouveau sur mon téléphone cellulaire, merci Dondé, un vote en faveur de Raphaël ce coup-ci. Ah. Donc qui porte quand même, il me semble, les trois candidats à égalité. Parfait. Donc ça, on rejoint un petit propos de Dondé, où il va devenir vraiment très difficile de se prononcer. Moi... De la même manière que Dondé, j'ai trouvé l'exercice admirable et ça serait quand même, là maintenant à chaud, très difficile de choisir quelqu'un. Et ça serait même, je crois, pas honnête de ma part de dire j'ai préféré celui-là, parce que tous vous avez des points forts et des points faibles. Clairement, on les a vus, mais vos points forts sont très forts. Vos points faibles peuvent être très faibles aussi. Il va falloir bosser un petit peu, mais c'est en bonne voie. C'est en très très bonne voie. On prend tout le monde, quoi. Moi, je voulais demander... Est-ce qu'on pourrait vous entendre, Magic ? Est-ce que vous m'entendez à Marseille ? Tout à fait. Vous m'entendez ? Oui. Je voulais savoir quel était le gain pour le vainqueur de cette émission. Eh bien, le plaisir de participer à des bâtons d'Anguirou pour toute la saison, ou du moins de temps en temps. Ah, mais voilà, et là est toute la différence. Parce que de temps en temps, ou toute la saison, ça fait une différence colossale. Et je pense qu'on a, sur l'ensemble de nos trois candidats, des qualités et des compétences qui sont relativement différentes et très complémentaires. Et s'il s'agissait, je dis bien, et c'est mon avis personnel, s'il s'agissait de faire une saison complète, je crois que nous gagnerons tous, y compris nous-mêmes des bâtons d'Anguirou, à choisir, selon les thématiques d'émission, les personnes. C'est beaucoup trop facile. Je croyais que c'était coach qui tirait les ficelles. Coach, je suis en train de tirer deux, trois ficelles à côté et a priori tout s'organise. Hein, donc, Magic, oui, terminé, s'il vous plaît. Quelle est la... concrètement la prochaine émission. Alors la prochaine émission, ça dépend sur quelle antenne, mon cher Magic. Tout à fait. Si vous voulez parler de la prochaine émission sur Radio Galère, elle est secrète pour l'instant. C'est une émission secrète qui puisqu'on peut pas la divulguer à nos auditeurs qui s'endorment un petit peu là, je pense pour finir ce premier épisode. Je pense qu'il faut se prononcer quand même. Je pense qu'il faut arriver ce soir à déterminer quelqu'un en direct ce soir pour notre prochaine émission dans un, mois. Peut-être sur la base du volontariat, alors. Peut-être sur la base du volontariat. Alors, est-ce que parmi nos candidats, l'un de vous trois est volontaire pour être présent le 4e lundi du mois d'octobre avec nous dans les studios de Radio Galère pour une émission secrète, je le répète. C'est-à-dire le 24. Le 24 octobre. Ouais, moi, ouais, c'est bon. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais, d'accord, ouais, je suis dispo. Ouais. Alors, en attendant la réponse, on va se quitter. On va remercier tout le monde. Je propose qu'on chante tous ensemble le générique de Débattons dans le Allez, pour se quitter. Ah, c'est une très belle proposition. Là, c'est l'amour qui l'emporte, je crois, ce soir, en tout cas. C'est pas la moustache, mais c'est l'amour. Merci à vous trois, Esther, Raphaël et Martin. Vous êtes prêtés merci au jeu et d'avoir porté... Posez votre candidature. Et puis, oh les couleurs de Débattons dans Guérou, parce qu'on a eu quand même un bel hommage. Tout à fait. En termes de chronique, en termes d'investissement, commentaires, enfin tout y était quoi. Parfaitement. On a presque un travail. Voilà, c'est pas presque. Une nouvelle salle de tirer. On a un travail à faire sur nous. Il va falloir dégonfler un peu les chevilles. On se met en hauteur de nos invités. Et je tiens à. Le coach prend beaucoup de notes sur son ardoise en ce moment. C'est-à-dire qu'il vaut mieux fixer. La date. Lançons donc le générique pendant que déterminons la date de notre prochaine réunion pour mettre les choses au clair, les gars. Quoi. Bien sûr, Dundee. Allez, bonsoir à tous. Merci, mon cher Brett, et merci, Magic. Bonsoir. Et puis, merci au doc. Merci aux candidats. Et merci avant tout aux candidats. À dans un mois. Un mois. Et des brouettes. Ce sont les meilleures équipes. Zizira leur best Mannschaft. Die Meister, die Besten, die Meister, die Champions, die Meister, die Besten, die Meister, die Champions. Yeah.